tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, dit le renard au petit prince de Saint-Exupéry. La paléogénétique et l'archéozoologie ne disent pas autre chose à propos de la domestication de l'animal par l'homme, responsable au point de modifier des gènes, de transformer des espèces, de bouleverser des lignées pour une meilleure cohabitation, pour un commensalisme le plus souvent au bénéfice de l'homme et parfois au détriment de l'animal qui perd en diversité génétique, en capacité cérébrale, qui acquiert des traits parfois à son désavantage. Mais l'humain lui-même n'est-il finalement pas un animal auto-apprivoisé ? Domestication animale des compagnons sur mesure, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment nous sommes passés du loup au chien, de l'auroch à la vache, du sanglier au cochon et du chat au chat, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Joséphine Le Sieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéozoologue et maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, auteur de « Et la gazelle devint chèvre » qui est coédité par le Muséum et les presses universitaires du Midi. Et Eva Maria Geigel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS et co-responsable de l'équipe épigénome et paléogénome à l'Institut Jacques Monod. On ne perd pas les bonnes habitudes. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours sur les ondes de France Culture. Et en complément de l'écoute de l'émission, nous suivre sur le fil Twitter @laméthodefc. Eh oh, viens jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Que signifie apprivoiser ? Cela signifie créer des liens. Pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi. Pour toi, je ne suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Voilà, extrait d'une adaptation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors voilà, je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi. Est-ce qu'il y a une différence finalement, Joséphine Le Sieur, entre apprivoiser et domestiquer ? Oui, oui, il y en a une. On peut parler, notamment pour le chien, plus d'un apprivoisement. C'est-à-dire que c'est des animaux qui ont d'abord été des compagnons pour l'homme, des aides pour, notamment pour la chasse. Depuis très très longtemps, on va en reparler. Mais à la différence des animaux, qu'on va dire, domestiqués, les animaux domestiqués, là, on l'ont vraiment été d'abord et avant tout, j'ai envie de dire, dans une démarche économique, notamment alimentaire. Donc on va, l'homme va rapidement exercer une pression, un contrôle beaucoup plus fort tout de suite sur ces animaux-là, pour contrôler donc leur reproduction, leur nourriture, et en tirer des produits, de la viande, du lait, de la force. Donc tout de suite une pression beaucoup plus grande et un contrôle beaucoup plus grand qu'un apprivoisement qui est plus dans une relation, je ne vais pas dire affective, mais d'aide, de cohabitation. Eva Maria Geigel, qu'en pensez-vous ? Vous êtes d'accord avec cette différenciation entre apprivoiser et domestiquer ? On apprivoise un chien, un cheval, un chat, on domestique une chèvre, une poule, une vache ? Oui, pour moi, la un animal est domestiqué quand la reproduction est vraiment contrôlée par l'être humain. Et ça, pour certaines espèces, c'est arrivé trop tard. Pour certaines, c'est arrivé plus tôt. Je pense qu'on n'est pas capable de vraiment exactement dire à quel point dans l'histoire de domestication de chaque espèce est arrivé, mais on peut se rapprocher. Donc, par exemple, le chat, pour moi, c'est un exemple pour une domestication très, très tardive. À quelle époque, à peu près ? Le dernier siècle ? Ah, le dernier siècle, voire, carrément. Peut-être, pas du tout. Peut-être que le chat n'est même pas apprivoisé encore. Bah, un peu quand même. Bon. Il est apprivoisé, en tout cas, et domestiqué aujourd'hui, en tout cas dans les grandes villes, hein, parce que là, la reproduction est contrôlée. Mais c'est certainement quelque chose qui a duré longtemps. Le chat a simplement vécu avec les êtres humains dans les villes, dans les villages, et a toujours eu l'occasion de se croiser aussi avec les chats sauvages. Et ça se voit aussi au niveau génomique, c'est-à-dire dans le matériel héréditaire. On voit que le chat a relativement peu d'altérations par rapport au chien. On va parler et développer évidemment ces exemples tout au long de cette heure. Est-ce qu'il y a un point à partir duquel on bascule, une espèce bascule, Joséphine Le Sueur, dans la domestication? Est-ce qu'on peut dire à un moment donné, cette espèce a perdu ses traits sauvages? On peut le dire. Le problème, c'est qu'on va le dire. On a les outils qu'on a actuellement, notamment l'ostéologie. Donc, moi, c'est ce que j'étudie, les os, les restes osseux qu'on va retrouver dans les sites archéologiques et aussi également la génétique. Ça va prendre un certain temps pour qu'on puisse retrouver des traces, donc par l'ADN ou par les os, de ce changement, de ce basculement, on va dire. Et donc, ça a pu se produire un moment, mais nous, on ne le verra qu'avec du retard, qu'avec peut-être plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années, voire plusieurs millénaires de retard. Donc oui, il y a certainement des basculements, des espèces qui ne sont plus capables vraiment de vivre à l'état sauvage, parce qu'on les a transférés dans des milieux qui sont trop durs pour eux pour habiter dans l'état sauvage, parce qu'on contrôle justement complètement leur reproduction, parce qu'on en a fait même des formes. On les a tellement modifiés morphologiquement qu'ils ne peuvent plus vraiment se vivre seuls. Vous pensez à quelles espèces, par exemple? Par exemple, aux chiens, on en parlait. Mmh. Des formes qui sont tellement maintenant manipulées que certaines femelles ne peuvent plus accoucher sans césarienne, enfin, parce qu'elles ont des... Le bulldog anglais, particulièrement. Voilà, exactement. Mmh. Donc on a été assez loin là-dedans, et là effectivement, ça ne peut plus vivre sans l'homme. Après, le moment de ce basculement, déjà, il est propre à chaque espèce. Il est propre à chaque fois à la relation qu'il avait avec l'homme. Et ça a pu se produire, voilà, des périodes extrêmement diversifiées. Eva Maria Geigel, on peut dire tout de même historiquement qu'il y a une période à partir de laquelle on va mettre le chien, et on en parlera, le chien est un exemple un peu à part, mais que l'être humain, Homo sapiens, peut-être, vous allez me le dire, Néandertal, qui sait, commence à domestiquer certains animaux. C'est finalement assez tardif dans l'histoire de l'espèce humaine. Ah oui, c'est tardif. Par rapport à l'espèce humaine, oui, c'est tardif. Hein, c'est vraiment tardif. On parle des derniers 10 000 ans, à peu près. Maintenant, néandertalien, ça serait uniquement le chien. Il n'y a pas d'autres espèces qui ont été domestiquées à cette époque-là. Pour le chien, c'est discuté, mais aussi discuter de manière controverse. Donc, bon, je ne sais pas. Quels sont les indices, qu'ils soient en termes de paléogénétique ou d'archéozoologie, qui permettent de retracer, par exemple, de dire, ah bien tiens, à cette époque-là, on est à peu près sûr que ces ossements ne sont plus ceux d'un aurochs sauvage, mais d'une vache, Joséphine Le Sueur? Alors, Il faut peut-être répéter que c'est la même espèce. Voilà, donc déjà la difficulté vient du fait que la forme sauvage et la forme domestique, fondamentalement, sont la même espèce. Donc morphologiquement, au moins, tout au moins au début, on est vraiment sur les mêmes formes des os et la même forme d'animaux. En fait, on a trois indices principaux en archéozoologie qui vont nous permettre vraiment de dire qu'une espèce est probablement domestique, enfin qu'un individu est probablement domestique. D'une part, il y a, le plus évident on pourrait dire, qui est le déplacement géographique. C'est-à-dire que si on trouve par exemple du bœuf en Amérique, forcément il est domestique puisqu'il n'y a pas de roc en Amérique. Notamment toute la période de l'Holocène, donc globalement les 10 derniers millénaires. Donc ça, c'est quelque part l'indice le plus facile, on va dire. Le deuxième phénomène, et là qui concerne vraiment les os, c'est qu'il y a un phénomène qui est particulièrement visible pour les vaches et pour les porcs, qui est qu'au début de la domestication, les animaux vont réduire de taille. Ils vont devenir, et certains, sérieusement, ils vont perdre presque 30%, on va dire, de leur taille par rapport à l'ancêtre sauvage. Alors les raisons de cette diminution, elles sont pas forcément encore parfaitement comprises. Il y a certainement des raisons environnementales, c'est-à-dire que les animaux étaient parqués, étaient probablement moins bien nourris que ce qu'ils étaient dans le sauvage. Les hommes savaient pas forcément bien les nourrir, contrôlaient moins bien la reproduction, et peut-être d'autres facteurs également, mais qui font que les animaux ont réduit de taille. Donc globalement, on va se retrouver au début de cette période de la domestication avec des individus sauvages très gros, plus grands, et des individus domestiques qui, au bout de quelques générations, vont être nettement plus petits. Donc quand on peut mesurer les restes, on va pouvoir voir si on est plutôt dans des tailles sauvages, des tailles domestiques. Sachant évidemment qu'on a toujours des zones de recouvrement avec entre une petite femelle sauvage et un grand mâle domestique. Voilà, donc là on va pas pouvoir dire. Et le troisième indice que l'on a, et là qui concerne plus la gestion des animaux par les humains. Quand on chasse, forcément, on va essayer de tuer les animaux qui portent le plus de viande, donc ça va plutôt être des animaux adultes, mais on va pas pouvoir vraiment sélectionner les animaux qu'on va tuer. En revanche, quand on les élève, là, on va pouvoir vraiment clairement contrôler la période de leur mise à mort. Et on ne va pas les élever de la même façon, en plus, si on cherche à avoir de la viande, ou si on cherche, par exemple, à avoir du lait. Si on cherche à avoir de la viande, on va les tuer dès qu'ils ont atteint leur maximum pondéral. Donc, vers, par exemple, 2-3 ans pour la vache. Si on cherche à faire du lait, on va plutôt tuer très vite les très jeunes, pour pas, principalement les mâles, parce qu'on n'en a pas besoin, on a besoin de peu de mâles pour la reproduction. Donc très vite, on va tuer les jeunes mâles et on va garder les femelles pour produire du lait. Et ça, on a des outils en archéozoologie, notamment l'usure des dents, l'âge d'éruption des dents et l'usure des dents, qui va nous permettre de reconstituer ces courbes d'abattage. Et donc on va voir si les animaux étaient déjà très précisément gérés et tués, et si c'était le cas, s'ils étaient plutôt donc élevés pour de la viande, pour du lait, voire pour l'utilisation de transport, l'utilisation du poil, où là on va garder quasiment tous les animaux beaucoup plus tardifs. Mmh. Voilà, donc c'est un peu nos trois outils principaux en archéozoologie. Et alors je me retourne vers vous, Eva-Maria Geigel, en paléogénétique, quels sont les indices qui vous permettent, vous, de discriminer un animal sauvage ou des restes fossiles sauvages de restes de fossiles d'animaux qui ont été domestiqués? Oui, comme on l'a dit, les espèces domestiquées sont les mêmes que les espèces sauvages. Donc, il n'y a pas de différence. Et le problème est que pendant tout le processus de domestication, voire bon, ce qui peut être très très long, il y avait certainement hybridation, c'est-à-dire un mélange avec les espèces sauvages. Ce qui brouille la piste. Ce qui brouille notre piste aussi pour voir les signature de sélection. Maintenant, la signature de sélection, là je parle vraiment de la sélection par l'être humain, qui ne doit pas forcément être tout de suite entamée dans un processus de domestication. Ça peut aussi être la conséquence d'une... Et ça a été montré par des expériences sur des espèces qui n'ont pas été domestiquées depuis 50 ans à peu près. On a regardé, on a élevé des renards qui sont sauvages, qui n'ont jamais été domestiqués. Et on a choisi parmi les animaux qui étaient en captivité, mais sans domestication, on a choisi ceux qui étaient les plus dociles et on les a reproduits entre eux. Et au bout de quelques générations, donc déjà 4, 5 générations, on a vu que le phénotype, c'est-à-dire l'apparence de l'animal, a changé. Pas seulement son comportement, mais aussi l'apparence et la physiologie. C'est-à-dire notamment les oreilles tombantes, ce qu'on appelle de la pédomorphologie. Les museaux un peu plus courts. Des traits plus enfantins, plus jeunes. Le pelage, il y avait des taches blanches qui ont apparu. Donc, ce sont des caractéristiques qu'on a vues chez toutes les espèces. Donc, pas seulement chez les renards, mais aussi dans toutes les espèces domestiquées. Et donc, ça peut s'expliquer par des mécanismes biochimiques lors du développement qui met en place la crête neurale, c'est-à-dire des cellules qui sont responsables pour le développement du système neurologique. Et là, il y a des cellules qui migrent dans le corps. Dans ce petit corps de l'embryon, et qui sont responsables pour la mise en place d'autres cellules, d'autres tissus. Et on a donc vu qu'il y avait des cellules, c'est plutôt une hypothèse pour l'instant, mais bon, quand même assez fournie, qu'il y a une petite déficience au niveau de ces cellules neurales, de la crête neurale, qui aboutit à la fin, à ces phénomènes qui sont communs à toutes les espèces domestiquées. L'expérience que vous parlez, c'est l'expérience de Dimitri Beliaev en Russie sur les renards argentés, je crois, les renards de Sibérie, qui continuent toujours. Ça fait 50 ans qu'il continue. Oui. Voilà. Et son expérience était de démontrer, pour essayer de comprendre comment on est passé du loup au chien, et on va reparler dans un instant, du renard au chien. Il a voulu montrer que sur l'espèce, en choisissant, en sélectionnant effectivement les individus les plus dociles, il allait pouvoir transformer des renards renard sauvage en animaux de compagnie domestiqués, c'est-à-dire en chiens de compagnie, en quelque sorte. Un dernier mot peut-être sur ces mécanismes de domestication animale. Il y a plusieurs scénarios qui sont proposés, hein, il y a plusieurs scénarios concurrents pour savoir comment est-ce que d'un seul coup une tribu va prendre un animal sauvage avec lui et va en tout cas essayer d'en tirer un certain nombre de bénéfices. Quelles sont ces hypothèses, Joséphine Le Sueur ? On parle de l'apprivoisement de bébés animaux, on parle d'une première phase de rapport mutualiste. En fait, je pense que ces différents scénarios sont tous possibles et ça dépend encore une fois des espèces et de ce qu'on cherche à en tirer. Prendre des bébés animaux et les élever, ça peut se faire dans le cadre, je pense notamment du chien, du chat, d'animaux dont on ne va pas forcément chercher des produits directs de viande, de lait, etc., mais plus un comportement qui va apporter un bénéfice au sein de la société. Donc la chasse, le chat, ça a été notamment une chasse certainement... Enfin, ils ont certainement été apprivoisés, entre autres, pour aider à lutter contre les rongeurs. Donc au début de la grippe... Le chat, je ne suis pas d'accord. on va reparler du chat dans un instant. C'était l'hypothèse pour Chypre, notamment, qui était une espèce de relation, puisqu'ils apparaissent à Chypre au moment où on a aussi l'agriculture, et donc les rongeurs, les souris, etc., qui arrivent. Mais ce n'est pas pour le renard, donc effectivement, on pourra en reparler. On va reparler tout à l'heure du chat en particulier. Voilà, donc ça dépend aussi des espèces. Ouais. Pour je pense, des animaux qui sont plus élevés dans le cadre de production alimentaire, là, je pense aussi que ça commence par des jeunes, puisque c'est finalement plus facile à contrôler. Mais on va être tout de suite dans un rapport d'avoir plusieurs individus, d'avoir du parquage. De la captivité plus marquée. Assez rapidement. Donc on n'est pas... ça dépend des espèces et ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à tirer de l'animal. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons à 16h et bientôt 20 minutes sur France Culture de la domestication animale en compagnie de Joséphine Le Sueur, qui est archéozoologue, et Eva-Maria Geigel, qui est directrice de recherche CNRS, co-responsable de l'équipe épigénome et paléogénome à l'Institut Jacques Monod. Alors, une énigme au moins proportionnelle à l'attachement que l'être humain a à son plus fidèle compagnon, c'est l'énigme de la domestication du loup. Comment cet animal sauvage, Canis lupus, est devenu Canis lupus familiaris? Comment on est passé de ce loup social qui vit en meute, qui terrifiait certainement les premières communautés humaines, au Yorkshire? Il s'agit du même animal, en tout cas quasiment du même animal, et avec un particularisme, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Eva-Maria Geigel, c'est que on sait que l'horloge génétique nous signale que la distinction, la différenciation dans l'arbre phylogénétique entre Canis lupus, le loup, et Canis lupus familiaris, le chien, remonte à il y a 40 000 ans. Donc c'est bien avant. Vous n'êtes pas sûr de ça, non? Vous faites non, la grimace. Non, ça, on ne peut pas dire, non. Non, j'avais dit, c'était par rapport aux Néandertaliens. Donc si les Néandertaliens avaient domestiqué une espèce, ça aurait été le chien. Mais ça, c'est plutôt des résultats sortis de la paléontologie qui pourraient proposer qu'il y avait déjà la domestication. Là, je n'ai pas vu d'arbre phylogénétique qui remonte à 40 000 ans. Non, je peux vous retrouver l'étude. Une d'accord. étude qui ferait remonter entre 37 000 et 41 000 ans la séparation entre Canis lupus et Canis lupus familiaris. Voilà, c'est une hypothèse hein, pour le moment, non, qui ne vous convainc pas. Oh non, mais je suis ouverte. Très bien. Joséphine Le Sueur, sur cette séparation, on est sûr en tout cas, s'il y a quelque chose qui fait consensus dans la communauté scientifique, c'est que le loup est donc le premier animal apprivoisé par l'homme. Ça, on en est sûr. Tout à fait. Mmh. Et effectivement, il y a des hypothèses autour de 30 000 ans, moi, ce que j'ai lu. Mmh. Après, de façon plus sûre, et notamment au niveau morphologique, on est plus vers 15 000, entre 20 000 et 15 000 ans. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, c'est évident que c'est bien plus ancien que ce qu'on a pu voir pour les autres animaux. C'est aussi pas du tout dans les mêmes régions, puisque là, on est plus en Europe du Nord ou vers la Russie. Alors que pour les premiers animaux domestiqués, pour le bœuf, la vache, pour le bœuf, le capriné, le porc, on est vraiment au Proche-Orient. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes sociétés non plus. Voilà, donc c'est effectivement l'animal le plus ancien apprivoisé, donc des bien avant les autres. On parle de 36 régions du génome qui diffèrent aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, Eva Maria Geigel, entre Canis lupus et familiaris, selon une étude de Nature publiée en 2016. C'est ça ? C'est aujourd'hui... Oui, ce qui est surtout, quand on regarde quelles sont les régions qui ont changé, ça c'est assez intéressant. Il y a par exemple une région qui est responsable pour la digestion de carbohydrates et qui est amplifiée, c'est-à-dire il y a plusieurs copies chez le chien par rapport au loup. Ce qui veut clairement dire que l'alimentation a changé, sinon ça n'aurait pas été sélectionné. Donc on voit une signature de sélection qui est en rapport avec le changement de physiologie et donc le mode de vie qui clairement indique que le chien s'est rapproché des villages, de la vie en communauté avec les êtres humains. On a des hypothèses justement sur ce point de départ de l'apprivoisement du loup par l'homme, parce que le loup est tout de même plutôt, effectivement, on le sait, un animal qui vit en meute, un animal social. Donc comme nous. Eva Maria Geigel, comment ça s'est passé cette interaction, premier lien? On ne sait pas exactement. Quelles sont les hypothèses? Oui, c'est justement, c'est probablement deux espèces qui étaient en compétition. Parce qu'ils voulaient faire la même chose. Ils voulaient chasser des gibiers. Ils vivaient similaires, en meute, les deux. Et là, il y avait probablement... Et les chiens étaient quand même supérieurs, justement, dans les forêts. Dans les forêts de l'Eurasie du Nord. Donc, un rapprochement était favorable pour les êtres humains, pour les communautés des chasseurs. Et pour les loups, finalement, probablement aussi, ça a dû avoir des avantages. C'est un peu plus difficile d'imaginer qu'est-ce qu'ils auraient pu avoir comme avantage, mais ils ont dû tirer quelque chose. De la nourriture en continu, peut-être, parce que l'homme pouvait, l'être humain pouvait nourrir le loup de façon continue, ouais. C'est-à-dire éventuellement pallier des moments de disette, ouais, ou une chasse infructueuse. Joséphine Le Sueur, c'est une hypothèse. Oui, tout à fait, oui. Mais je pense aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que le loup, justement, par son comportement, est une espèce domesticable. Justement, parce qu'elle est très hiérarchique, le fait que l'homme se place lui-même à un comportement où il prend la tête de la meute... Un comportement alpha, voilà, permet cette domestication. Chez d'autres espèces, où les animaux sont beaucoup plus solitaires, c'est beaucoup plus compliqué, notamment le chat. On en revient toujours là, on va revenir au chat tout à l'heure. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y avait un bénéfice mutuel pour les deux. Le chien, aussi par sa vélocité, puisque c'est un animal qui court vite en forêt, effectivement, a pu apporter certainement une aide aux humains, et en retour, les humains apportaient peut-être une plus grande, on va dire, sécurité alimentaire ou peut-être une protection aussi par le feu. Aussi, c'est la même raison pour laquelle l'être humain a inventé la domestication des animaux, oui, d'ailleurs, et des plantes, pour assurer l'alimentation en toute circonstance. Il y a une hypothèse qui tendrait vers une double source de domestication, deux sources indépendantes, une source en Europe il y a 15 000 ans et une source en Asie un peu plus récente, il y a 12 500 ans, Eva Maria Geigel. Oui, ça c'était la paléogénomique qui a montré ça. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux sources différentes? Ce sont deux sources de Canis lupus différentes, c'est exactement le même, il y a eu interpénétration de l'une de l'autre, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? On peut retracer la voie de domestication de ces deux lignées, disons, génomiques. Maintenant, on n'a pas ces individus ont disparu, donc on ne peut pas savoir comment ils étaient. Mais c'était deux populations différentes. Oui, oui, Joséphine Le Sueur. Je voulais réagir là-dessus, c'est que... Le phénomène de domestication des animaux est un phénomène qui s'est produit de façon indépendante dans beaucoup de sociétés humaines. L'idée de contrôler les animaux, comme on disait, pour avoir une plus grande sécurité alimentaire, les plantes, les animaux, etc. Et donc, ce qui veut dire que pour pas mal d'espèces, en fait, on a des doubles domestications. Le cochon qui a été domestiqué aussi en Chine indépendamment, le chat, on va peut-être en reparler sur une hypothèse aussi d'une peut-être domestication en Chine qui finalement n'aurait pas perduré. Sur le bœuf, on a aussi une hypothèse africaine qui n'est toujours pas confirmée, mais là-dessus on n'est pas forcément d'accord. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des espèces qui sont très répandues, comme le sanglier, comme l'auroch ou comme les félidés, ont pu être domestiquées indépendamment à des périodes différentes par des sociétés différentes. Et à plusieurs reprises. Voilà. Ce qui est intéressant avec le chien, puisque c'est donc le plus ancien animal domestiqué par l'homme, c'est qu'il présente tous les marqueurs de ce qu'on appelle le syndrome de la domestication. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de la domestication, Joséphine Le Sueur ? Bah, ça va être un changement très fort. Enfin, je sais pas, c'est... Non, mais c'est ce que j'ai. Gaillen, oui. En fait, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Oui. Donc, c'est sans tous ces changements physiologiques dus à une déficience des cellules de la crête neurale. On parle donc de caractère pédomorphique, c'est-à-dire d'une sorte d'adoucissement, ou en tout cas de maintien des traits infantiles plus longs, de changement des habitus reproductifs, c'est important ça aussi, parce que des animaux sauvages... Par exemple, les cycles hormonaux chez les femelles. Et de l'accroissement de la docilité et de la soumission, et ça c'est peut-être aussi l'une des caractéristiques particulières du chien, c'est son hyper, ou en tout cas du loup, c'est son hyper sociabilité, va Maria Geigel. Oui, certainement, et le chien, par rapport au loup, il est, son intelligence, définie par nous, les êtres humains, s'exprime dans son interaction avec les êtres humains. Donc il sait lire les gestes, les gestes et la volonté de son maître humain, ce qui est quand même un grand changement. J'ai lu, je parle là aussi sous votre contrôle, que l'un des éléments centraux de cette domestication du chien, ce sont des marqueurs génétiques que l'on retrouve aussi, que l'on peut retrouver chez l'être humain, qui se traduit par le syndrome de Williams-Beuren, c'est-à-dire finalement un retard développemental et des comportements hypersociaux, vous confirmez ça ? Tout ça, ce sont des hypothèses, mais on trouve une panoplie de gènes qui sont... tous ces gènes, ce sont des voies biochimiques qui sont multiples. Donc ce n'est pas si facile, on ne peut pas simplement trouver une mutation dans un gène. C'est beaucoup plus compliqué. Donc tout ça, en ce moment, ce sont encore des hypothèses. Mais on a identifié quand même certains allèles, certains gènes qui sont changés dans toutes les espèces domestiquées. Et aussi un certain nombre d'entre elles qui sont aussi changées chez les êtres humains. L'extrême variabilité, la diversification génétique est encore plus récente. J'ai lu que la diversification génétique de toutes les races de chiens que l'on connaît aujourd'hui date finalement d'il y a très très peu de temps, 200-300 ans. Ah bah, 19e siècle. 19e siècle. Bah, pour les chiens, peut-être déjà c'est un peu plus ancien, parce que là on a déjà commencé, déjà il y a peut-être quelques centaines, voire milliers d'années, de sélectionner les chiens pour certaines tâches. Ça, c'est la grande différence avec le chat, qui n'a jamais été sélectionné pour quoi que ce soit. Le chat, à mon avis, était parfait dès le début. C'est pour ça aussi que je dis que c'était jamais domestiqué, c'était même pas apprivoisé. C'est pas nécessaire que ça soit apprivoisé, parce que le chat fait exactement ce qu'il doit faire dès le départ, c'est-à-dire éliminer les rongeurs et les animaux venimeux. Et donc, c'était pas un animal dangereux, donc il fallait même pas réduire sa taille ou son comportement. Donc c'était parfait dès le départ. Il a juste vécu avec les êtres humains. C'est le chat qui a adopté l'être humain, c'est un phénomène inverse peut-être. Mais pour revenir au chien sur cette diversification génétique, Joséphine Le Sueur, vous l'évoquiez tout à l'heure, à l'extrême, on arrive, puisque évidemment pour garder certaines races et pour faire en sorte que cette race se maintienne, eh bien, il y a forcément des phénomènes de type... je perds le mot, quand on fait se reproduire la même race ensemble consanguinité, voilà, c'est ça que je cherchais, et on arrive finalement à développer chez le chien notamment, mais pas seulement, chez certaines espèces animales domestiquées, des traits génétiques qui sont en défaveur de l'espèce. Vous parliez tout à l'heure de la tête, par exemple, du bulldog anglais qui est trop grosse. Oui, et qui ne passe plus, au niveau, par voie naturelle. Après, il y a énormément de variations morphologiques selon les espèces qui ont été à la fois favorables pour l'homme, mais beaucoup moins effectivement pour l'espèce. On arrive, je pensais au porc par exemple, quand on voit par exemple sur un sanglier ou sur un porc, on a la répartition du poids général de l'animal a complètement varié. Sur le sanglier, on est beaucoup plus, les deux tiers sont sur le poids, sur la partie avant qui facilite notamment la mobilité. Sur le porc, on est complètement sur l'extrême, on est sur des animaux qui peuvent à peine bouger. Et ça s'est accompagné également d'une réduction de la face, de chez certaines races anglaises, mais déjà dès le Moyen-Âge, où on a rajouté des vertèbres. Oui. C'est-à-dire qu'on a des vertèbres en plus. Il y a une vertèbre en plus chez le cochon. Une, voire deux, et deux paires de côtes en plus. Donc ça fait plus de viande pour l'humain, évidemment, pour la mobilité de l'espèce, c'est beaucoup moins pratique. Et donc voilà, donc on a poussé à l'extrême dans les intérêts qu'on pouvait avoir nous, même pour des races à viande, on va dire. Et effectivement, ça, c'est au détriment de l'espèce, qui là, on en revient au début de la conversation, ne peuvent plus du tout vivre sans l'homme. Là, elles sont complètement incapables de se débrouiller. Et pourtant, c'est un succès pour l'espèce en tant que telle, puisque sinon, l'espèce aurait probablement déjà disparu ou aurait été réduite. Et en tout cas, c'est un succès évolutif parce que l'espèce est répandue, repartie partout sur la planète. Un succès évolutif, quitte à ce que ce soit au détriment de l'espèce elle-même. Au détriment des individus, pas forcément de l'espèce. C'est pas la même chose. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the caveman days of jumbo-jum. I've heard some corny birds who tried to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick, long head kick, stuff like that? When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky-tinky-tinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days. Oh, a rinky-tinky-tinky. Yes, everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat. Veut être un chat, évidemment. Everybody Wants to Be a Cat de Phil Harris, extrait, vous l'aurez sans doute reconnu, du dessin animé de Disney, Les Aristochats. Puisque nous parlons de la domestication des animaux tout au long de cette heure, nous allons parler du chat qui a-t-il vraiment été domestiqué. C'est le doute plane depuis le début de cette émission que nous passons en compagnie de Joséphine Le Sueur, qui est archéozoologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Eva Maria Geigel, directrice de recherche CNRS, co-responsable de l'équipe épigénome et paléogénome à l'Institut Jacques Monod. Alors, si on l'a vu à l'instant, le chien marque un extrême dans les conséquences de la domestication par l'humain d'une espèce sauvage. Eh bien, le chat, lui, est un tout autre exemple, beaucoup plus récent, on l'a dit tout à l'heure. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous qui vouez un amour tout particulier à nos amis greffiers, vous allez nous expliquer que le sens de domestication pour le chat est tout relatif. Oui, pour comprendre en tout cas les différentes origines et trajectoires de cette dite domestication du chat, de l'Antiquité à nos jours, je suis allé voir votre collègue, Eva Maria Geigel. Il s'agit de Thierry Grange, qui est responsable avec vous de l'équipe épigénome et paléogénome à l'Institut Jacques Monod. Il m'a décrit en quoi ont consisté vos travaux de recherche sur près de 230 échantillons de chats allant d'une période de moins 10 000 ans jusqu'au début du XXe siècle. Thierry Grange nous explique donc pourquoi ce n'est pas toujours évident de distinguer les chats dits domestiques des chats sauvages, mais aussi et surtout quel scénario de diffusion géographique des chats on peut envisager grâce à votre étude. Si on peut distinguer à l'heure actuelle les chats d'origine du Proche-Orient et d'Afrique du Nord de ceux d'Europe, on ne voyait pas lorsqu'on regarde la distribution géographique des chats de ces différentes régions, on ne voyait pas d'une structure géographique, c'est-à-dire on n'était plus en mesure, à partir de ça, d'aller plus loin, c'est-à-dire de voir s'il y avait des différences entre les chats en Anatolie, en Égypte, en Jordanie, en Syrie, à différents endroits de la planète. Parce qu'il y avait deux possibilités. Une possibilité était que les chats sauvages se baladaient dans ces régions-là et donc il n'y avait pas de structuration phylogéographique avant la domestication. Ou la deuxième possibilité, il y avait une structure qu'on appelle phylogéographique qui préexistait à la domestication, mais que suite aux translocations de chats, une fois qu'ils étaient en relation avec les humains, suite aux échanges, cette structure était mélangée et était perdue, et on ne pouvait plus la trouver à partir des populations modernes. Et pourquoi, du coup, c'est assez compliqué de cibler dans le temps la période où la domestication s'est faite réellement ? La domestication, c'est quelque chose qui est évident, en grande partie à l'heure actuelle. Alors c'est particulièrement évident avec les chiens, si on compare un chihuahua, un doberman et un loup, on voit bien qu'il y a eu des changements majeurs. Pour les chats, c'est de toute façon déjà un peu moins évident. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle on compare un chat domestique de chez nous et puis un chat sauvage d'Asie du Sud-Ouest, ça va pas être évident de faire la différence. On va trouver des petites différences de pelage. Alors évidemment, si on compare un angora, on va voir des différences. Mais si on compare un vulgaire matou, chat de gouttière classique, ça va pas être évident du tout de faire la différence parce que les chats, d'un point de vue génétique, ont en fait été beaucoup moins transformés que les chiens. Alors, il y a eu un travail qui a été fait à partir des chats modernes où on a essayé de séquencer les génomes des chats domestiques et de quelques chats sauvages et de comparer les génomes. Donc il existe des chats sauvages. Le problème est qu'en fait les chats sauvages qu'on a à l'heure actuelle, on n'est pas complètement sûr que ce soit des vrais sauvages purs ou si c'est des chats domestiques qui se sont mélangés avec des sauvages ou qui sont redevenus sauvages. Alors il y a des différences. En fait, par exemple, le chat européen est suffisamment différent morphologiquement du chat domestique qu'on voit pour qu'on peut les reconnaître, par contre. Mais quand on regarde les génomes, en fait, on voit quelques différences, mais on ne voit pas beaucoup de différences. Alors, il y a quelques changements qu'on peut reconnaître qui concernent des gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans le développement de certaines structures dans le cerveau et dont on pense qu'ils pourraient être associés, enfin, les mutations en question pourraient être associées à des changements de comportement. Donc l'idée qu'il y a des chats domestiques est un peu indiquée par en fait ces petits changements génétiques qui pourraient faire que le chat domestique soit un peu moins sauvage que le chat sauvage et supporte mieux la présence humaine, par exemple. Si les animaux sont en échange permanent entre la population autour de l'homme et la population sauvage, il ne va pas y avoir d'évolution génétique particulière. Et donc ça peut être une très bonne raison pour laquelle les chats sont en fait peu différents des chats sauvages, parce qu'ils sont restés pendant toujours en interaction avec la population sauvage. Donc finalement, c'est toujours compliqué de dire que le chat est domestiqué. Oui, alors on peut concevoir que le chat ait été domestiqué véritablement à partir du 19e siècle, quand on a commencé à faire des croisements et des reproductions dans tous les sens. Et puis finalement, les chats, ce qu'on voit, c'est que si on a un chat dans un environnement encore rural, un chat à la ferme par exemple, il va rentrer, il va sortir de la maison, puis s'il y a des chats sauvages dans les environs, il va aller fricoter avec les chats sauvages, et puis il va revenir à manger, mais il va pas être contingenté véritablement. Peut-être que le chat est vraiment en train de devenir domestiqué avec l'urbanisation et dans les contextes citadins. Et une toute dernière question, quelle part d'ombre il reste à lever encore sur cette domestication du chat ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous butez encore ? En fait, ce qu'on a commencé à voir, c'est qu'il y a 5 ou 6 000 ans, on a commencé à voir des chats qui avait la signature typique de l'Anatolie, arrivaient en Europe. Et en fait, c'est la période où les populations néolithiques ont commencé à se déplacer vers l'Europe. Si on regardait en Europe auparavant, ben on ne les trouvait pas, ces chats-là. Donc, ça a commencé à indiquer que, en fait, les chats ont suivi les populations humaines néolithiques quand elles ont migré en Europe. Donc ça veut dire que les chats étaient déjà en relation suffisamment étroite pour pouvoir se promener avec eux lorsque eux se déplaçaient. Ensuite, en continuant à regarder les reconfigurations au cours du temps, on a vu apparaître une deuxième signature qui là était caractéristique du chat égyptien. Et ce qu'on a pu constater à ce moment-là, c'est que cette signature du chat égyptien, à l'époque de l'Antiquité classique, donc grecque et particulièrement romaine, les chats égyptiens ont commencé à avoir énormément de succès. Et alors qu'il y avait dans les sites archéologiques, donc en interaction avec l'homme, déjà des chats anatoliens, eh bien ces chats égyptiens ont complètement pris le dessus à cette époque-là sur les chats anatoliens, donc ce qui indique qu'en fait il y a dû avoir un effet de mode. Alors c'est un peu tentant de faire la spéculation que ces chats égyptiens en fait avaient accumulé des variations génétiques nouvelles qui les rendaient intéressants pour les populations humaines. Et donc on peut faire beaucoup d'hypothèses, pour l'instant on n'a pas de certitude, et donc les études futures permettront d'essayer de savoir qu'est-ce qui a été vraiment intéressant dans ces chats-là au niveau génétique en analysant les génomes. Voilà, le chat a-t-il vraiment été domestiqué? Rien n'est moins sûr. Eva Maria Geigel, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, je suis entièrement d'accord, évidemment. Ouais. Joséphine Le Sieur. Oui, je suis d'accord dans le sens où, enfin, quand on parle à partir de l'archéologie, donc à partir des ossements, c'est vrai que par rapport aux chiens ou à d'autres espèces, sur le chat, on voit très peu de variations morphologiques. Et ce qu'on disait... Tu dis très peu, voire pas du tout. Pas du tout. Mais par rapport à Felis silvestris silvestris, il n'y a même pas de variante de taille avec le chat commun, un petit peu? Un tout petit peu, mais c'est pareil, on est toujours dans des écarts liés aussi au sexe, liés... Donc finalement... Mais on est... Felis silvestris silvestris n'a pas été domestiqué. C'est l'ancêtre des chats actuels. C'est Libica. Libica, donc le chat de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud-Ouest. Donc il y a un peu des variations, notamment aussi par l'hybridation, ce qu'on disait avec les individus sauvages. Mais sinon, vraiment, sur la morphologie, la composition générale du squelette, ce qu'on peut avoir pour les chiens, par exemple, sur la disparition de dents, la réduction de la face, aussi qu'on a chez les porcs, on peut l'avoir chez les vaches aussi, etc. Chez le chat, on l'a pas. Donc, on reste vraiment sur une morphologie du sauvage. Donc, On serait, du coup, quasiment, Eva Maria Geigel, sur une sorte de rapport de commensalisme, mais au bénéfice de l'animal plus que de l'homme, presque aujourd'hui. Non, les deux. L'être humain sans les chats, c'était pas possible. Oui, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas besoin de ces animaux dans la ville, hein, de toute façon. Mais même, finalement, même à la campagne, même à la ferme, le chat aujourd'hui, c'est si, encore... Si, à la ferme, c'est toujours utile. Pour les souris. Ah oui, oui, les rongeurs, ça pose toujours problème. Les rongeurs posaient problème dès le néolithique, et on est toujours dans l'extension des sociétés néolithiques. Qu'est-ce qui n'a pas changé tellement. Il y a tout de même, j'essaie de trouver un biais pour comprendre si on peut parler de domestication pour le chat. Il y a tout de même un contrôle de la reproduction, plus ou aujourd'hui. Moins. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, oui. On a toutes ces races aujourd'hui, mais ça a commencé au 19e siècle. C'est très récent, c'est comme le chien. Surtout les Anglais ont eu, il y avait cette mode de faire ce qu'ils appellent les fancy breeds, donc c'est comment on dit en français, des races à la mode. À la mode, oui. Et là, ils ont commencé à faire des poules, et des pigeons, et des chats, et de tout genre. Et c'est là, oui, là, c'est contrôle de reproduction, sélection, oui. Là, on a commencé à... On a fait des OGM déjà depuis 10 000 ans, mais là, c'était encore donné un coup d'accélérateur, avant même d'aller au laboratoire pour faire des OGM dans le tube. Dans le tube à essai, c'était de la reproduction contrôlée pour obtenir OGM, la diversification des races, les chats persans. Rajouter des côtes, c'est OGM. Peut-être un mot tout de même, Eva Maria Geigel, aujourd'hui sur la différenciation génétique entre le chat sauvage et le chat domestique. On en trouve quelques-unes. Oui, on trouve justement ces régions qui sont liées à la crête neurale, c'est-à-dire à la docilité, au comportement, disons. Moi, je dirais même peut-être plutôt la sociabilité, parce que les chats sauvages sont vraiment solitaires. Et un chat domestique, et ça probablement déjà relativement tôt a commencé, supporte pas seulement les êtres humains, il supporte aussi d'autres chats. Et ça, c'était probablement un changement quand même assez profond dans le comportement des chats qui se sont rapprochés de la niche humaine. De la niche humaine, donc ils ont commencé à être accueillis dans les contextes domestiques humains. Par contre, le problème qu'on a, et c'est pour ça qu'il faut aussi faire la paléogénomique dessus encore, c'est cette hybridation dont a parlé Thierry, c'est-à-dire les chats qui vivaient avec les êtres humains pouvaient sortir et se croiser avec des chats sauvages. Et ça veut dire les génomes n'étaient plus purs, entre guillemets, hein, c'est-à-dire c'était plus les génomes du chat sauvage et du chat domestique, c'était mélangé. Et donc, on n'a pas la signature réelle de ce qui est vraiment un chat sauvage et un chat domestique. On doit toujours suspecter qu'il y avait, à un moment donné, hybridation. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, 300 ans, mais ça nous empêche d'avoir la vraie signature. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir les génomes avant la domestication, pour avoir un genre de ligne de base. Parce que l'hybridation est encore possible pour les chats, ce qui est devenu, je parle sous votre contrôle, impossible aujourd'hui pour le chien. Évidemment, un Yorkshire ne peut pas se reproduire avec un loup. Une espèce, un berger allemand ou un husky, etc. J'ai envie de dire, c'est plus morphologique après. Mais ça se fait. Hein. Je sais qu'il y a des races en Italie où ils croisent avec les loups. Pour avoir des chiens vraiment costauds. Hein. Oui, mais sous une reproduction contrôlée, pas naturellement. De toute façon, il n'y a pas assez de l'hybridation, je pense, soit sauvage, domestique, volontaire ou non, je ne parle pas forcément pour le chien ou le chat, mais pour d'autres espèces aussi, soit des croisements entre d'autres espèces, et très anciens. Bon, on connaît évidemment le mulet, la mule, etc. Mais par exemple, sur le yak aussi, depuis au moins un millénaire, on l'a hybridé avec la vache pour justement adoucir son caractère. Le yak est une espèce quand même très agressive, et pour essayer de l'adoucir, on l'a croisé. On fait des croisements aussi de dromadaires chameaux, aussi pour des questions de comportement, entre autres. Donc en fait, c'est des choses quand même qui se font encore, qui se font régulièrement, qui maintenant se font peut-être de façon plus contrôlée, mais qui se font de façon très ancienne. À cette différence près que si le chat domestique et le chat sauvage peuvent se croiser et obtiennent une descendance qui peut se reproduire, aujourd'hui, si on essaie de reproduire un chien domestique avec un loup, c'est comme le mulet, on obtient des espèces. On obtient des espèces qui peuvent se reproduire. C'est la même espèce. D'accord. On n'obtient pas des espèces biologiquement stériles. Non, biologiquement, c'est tout à fait possible. Biologiquement, c'est possible. Mais là-dessus, le comportement des chiens est quand même différent du loup. Donc, naturellement, il y a probablement des barrières de comportement. J'aimerais qu'on parle d'autres formes de domestication intéressantes, parce que différentes. Puisqu'on a parlé du chat, parlons précisément de sa proie, de la souris. La souris. De facto, et le rat, bien sûr. Et les serpents, et les scorpions. Sont des espèces domestiquées ? Ah oui, oui. Les domestiquées, comme les sauvages, éliminent tous ces vraiment des animaux venimeux, ces animaux aussi dangereux. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que là, pardon, je parlais de la souris et du rat comme étant en tant qu'espèce. Non, bien sûr. Ça, je pense que c'est aussi un phénomène extrêmement récent. Après, on parle de commensalisme, c'est-à-dire d'espèces qui vont, notamment pour la souris, maintenant c'est bien connu, relativement bien connu, que c'est un phénomène très ancien. On a par exemple à Chine, dès le 10e millénaire avant Jésus-Christ, on va avoir les premiers agriculteurs ou proto-agriculteurs qui vont arriver du Proche-Orient, qui vont s'établir dans des villages et qui vont arriver avec leur cortège de souris qui les a suivis du continent qui les a suivis avec les sacs, j'ai envie de dire, de blé ou d'orge. Et donc, progressivement, on va arriver à des animaux qui dépendent vraiment de l'homme pour leur survie. Et on va avoir la souris notamment qui va, pareil, gagner des régions dans lesquelles elle n'était pas normalement, vraiment en lien, en dépendance, on va dire, avec l'homme. Mais on a aussi ces phénomènes-là chez les insectes, on appelle les espèces synanthropes, chez le rat, effectivement. Donc on a beaucoup d'espèces, on ne peut pas vraiment parler de domestication, ou alors on en parle pour les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, où sont plus des animaux gardés en captivité, mais c'est une forme de domestication très très récente et très particulière. Parce que je faisais référence en fait à une étude de mars 2017 qui montre comment la domestication remonte, comme vous venez de le dire, Joséphine Le Sueur, à la sédentarisation des humains, il y a donc environ 5-10 000 ans, mais avec une particularité, c'est-à-dire que c'est une expérience qui montre que la souris se serait en fait auto-domestiquée, c'est-à-dire qu'elle présente le syndrome de domestication, c'est-à-dire une réduction de la taille du cerveau, bref, une modification génétique par forme d'auto-domestication. Vous pouvez peut-être nous dire un mot de ce que c'est que cette auto-domestication, Eva-Marie Geigel ? Bah, ça serait un peu lié à ce qu'on a discuté. Donc, ça passe aussi par le syndrome de domestication, c'est-à-dire la déficience au niveau des cellules de la crête neurale. Mais je ne sais pas, si on peut parler vraiment d'auto-domestication, ce serait plutôt une forme d'adaptation pour des questions de survie. Ce n'est pas, je pense, la souris qui a décidé de se domestiquer. En revanche, elle s'est adaptée à des conditions pour qu'il permette sa survie dans les meilleures conditions. Sur un très faible nombre de générations, hein, c'est-à-dire que l'expérience consiste, elle a été publiée dans Royal Society Open Science. L'idée, c'est de faire une sorte de havre pour les souris où il n'y a plus la pression des prédateurs extérieurs et où les souris peuvent venir. Je crois qu'ils prennent 12 souris au départ et très vite, ils se stabilisent à 300 individus à peu près dans ce hangar où, petit à petit, on constate en tout cas tous les traits du syndrome de domestication, c'est-à-dire que la souris commence à changer de robe, perd 3% ou 4% de son volume cérébral et donc présente exactement des traits qui sont des traits de domestication, je suis le sûr. Oui, c'est ça, mais voilà. Je pense que c'est vraiment une adaptation dans la mise dans un environnement qui est très différent et effectivement pour lequel elle a moins de stress, de la nourriture, moins de compétition, moins de... C'est le même mécanisme. Voilà, c'est le même mécanisme. Hein. Mais j'ai envie de dire, quelque part, on pourrait aussi le comparer à un mécanisme comme les phénomènes de nanisme ou de gigantisme dans les contextes insulaires, où une espèce va arriver, où il y a moins de pression de prédation, où il y a moins de ressources, et donc l'espèce va s'adapter. Alors là, on peut dire que la pression, elle est humaine. C'est l'humain qui met dans un environnement qui fait que l'espèce s'adapte. Mais c'est pas seulement la taille. Hein. Ça, non, il n'y a pas que la taille. Là tout, c'est d'autres phénomènes. Mais je parle dans le processus qui est aussi souvent, enfin, qui est finalement un phénomène de pression extérieure, qu'il soit humain ou environnemental, qui fait que l'espèce évolue et change. Dans ces autres types, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Eva-Marie Geigel. Je voulais vous poser, parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, un autre type de domestication intéressant qui conduit à de la coévolution, c'est Bostorus, les aurochs sauvages dressés il y a environ 10 000 ans, et dont on voit qu'ils ont produit chez l'être humain une autre forme d'évolution, de coévolution, c'est la tolérance au lactose, avec le développement de l'enzyme, la lactase. Vous pouvez nous en dire un mot, et qui a elle-même, par aussi pression de domestication et pression génétique, fait en sorte que le lait produit par la vache change et soit plus facilement assimilable par l'homme. Oui, en fait, normalement, c'est que le bébé qui peut assimiler le lactose dans le lait. Donc, les adultes ne peuvent plus boire du lait frais, aussi bien les animaux que les êtres humains. Est apparue, probablement à la fin de l'âge du bronze, une mutation dans le gène qui est responsable pour la persistance de la lactase à l'âge adulte. Donc la lactase n'est plus est toujours active chez l'adulte. Et ça, apparemment, a conféré un tel avantage à ces individus qui avaient cet allèle, c'est-à-dire ces variants génétiques, que ça s'est réparti dans la population très très vite. Et c'était une population, c'était des nomades des steppes, hein, des pasteurs des steppes, hein, qui se sont déplacés, qui ont conquis l'Europe centrale, et sont migrés vers le nord. Avec eux, ils ont amené des bœufs, parce que c'est une société basée sur l'exploitation des bœufs. Et on voit aujourd'hui, dans les populations actuelles, au nord de l'Allemagne, au sud de l'Angleterre, au sud de Scandinavie, 95% de leur population est capable de digérer le lait, donc à cet allèle, à cette mutation qui permet la persistance de la lactase pendant l'âge adulte. Et également, les vaches ont une diversité de ces allèles qui sont responsables pour la production du lait, qui est beaucoup, beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Donc ça indique qu'il y avait une coévolution de ces deux espèces. Et que finalement, on pourrait presque dire, Joséphine Le Sûr, que on s'interroge beaucoup sur ce qui fait de nous des êtres humains particuliers, mais que finalement la société, la civilisation humaine a vraiment commencé à se développer à partir du moment où la domestication a pu être possible et a pu apporter des vrais avantages évolutifs pour la sédentarisation, pour la transformation de ses habitudes de vie, pour même la transformation génétique, puisqu'on vient de le voir dans le cas de la coévolution avec le lactose et l'enzyme de la lactase. Oui, oui, tout à fait. C'est un vrai tournant dans l'histoire de la société. Alors après, il ne faut pas reprendre les choses dans l'ordre. C'est d'abord la sédentarisation, notamment au Proche-Orient, qui a permis l'installation donc, de villages, qui a mis une pression de plus en plus forte sur l'environnement, sur les plantes, sur les animaux, et une croissance démographique qui fait quelque part que tous ces phénomènes-là mis ensemble, on a eu besoin de contrôler de plus en plus sa nourriture, ses animaux. Et c'est sûr qu'à partir de là, à partir du moment notamment où une partie de la population va gérer les plantes, les ressources alimentaires et va libérer une autre partie de la population pour faire d'autres activités artisanales, sociales, culturelles, politiques, etc., on va avoir effectivement le développement de villes, de sociétés hiérarchisées beaucoup plus fortes, etc. Donc, oui, c'est un vrai tournant dans l'humanité. On pourrait dire que c'est la domestication animale qui, paradoxalement, nous a rendus un peu plus humains. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Un dernier mot, peut-être sous forme de clin d'œil, mais en même temps, j'aimerais vous soumettre cette hypothèse qui ne vient pas de moi, que j'ai trouvée, que j'ai lue en préparant cette émission. Est-ce qu'on parlait d'auto-domestication ? Est-ce qu'on ne pourrait pas partir du principe, finalement, que Homo sapiens, hein, nous sommes des animaux comme les autres, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous ne présentons pas nous-mêmes des signes d'auto-domestication, Eva Maria Geigel, finalement l'adoucissement nos du oreilles caractère. Sont pas encore tombantes, pas que je sache. Les oreilles tombantes, c'est vrai. Mais bon, d'autres signes, oui. Il y a cette hypothèse a été avancée et c'est tout à fait crédible. Après, ça reste vraiment à creuser. Mais il y a beaucoup de signatures de sélection dans notre génome, dans le génome de l'être humain actuel, qu'on trouve aussi chez les animaux domestiqués. Donc, il y a des parallèles. Et à voir dans les années à venir, ça va certainement pas durer longtemps pour pouvoir conclure, hein, si c'est vraiment le cas, mais ça me pose pas de problème. Qu'en pensez-vous, Joséphine Le Sûr ? Est-ce que nous sommes auto-domestiqués ? Nous sommes venus finalement plus sociaux, les yeux sont un peu agrandis, les traits se sont adoucis. Non, vous n'êtes pas très convaincue par ça. Au niveau comportemental, je suis pas vraiment sûre. Au niveau physique, peut-être. Finalement, on voit les évolutions, par exemple chez le cochon qui a perdu ses poils. Nous aussi, nous avons perdu nos poils. Est-ce que c'est lié ? Est-ce que c'est une coévolution ? C'est possible. Bah oui, aussi le cycle d'œstrogène. Hein. Qui a aussi évolué. Il y a le dimorphisme sexuel a diminué. Il y a quand même toute une série de phénomènes qui sont semblables. Et sur le dimorphisme sexuel, je vais vous renvoyer au forum l'année vue par les savoirs que nous avions enregistré autour de cette thématique du dimorphisme sexuel. Voilà, on va vous mettre le lien tout de suite sur Twitter. Merci beaucoup Joséphine Le Sûr, merci Eva Maria Geigel. Joséphine Le Sûr, je rappelle, et La Gazelle de Vinchèvre, c'est coédité par le Muséum National d'Histoire Naturelle et les Presses Universitaires du Midi. Là aussi, on vous a mis le lien sur le fil Twitter de La Méthode Scientifique. Merci à toute l'équipe de La Méthode, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Sarah Hijmans, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique.